pas encore grand, mais pour demain. Je suis encore un de ces amoureux qui croient à l'amour et au moins. Désormais, il ne faut plus attendre. Est-ce que je me résilierai ou bien m'écouter? Mais je préfère me consumer ou bien me rendre. C'est vrai que je fais peur. Je suis un monstre à l'intérieur, c'est une horreur. Mais c'est de la timidité, timidité. Quand je ne connais pas, je suis inquiet. Faut du temps pour digérer, tout est gâché. Les gens changent ce qu'ils veulent de moi, mais je m'en fous pas mal. Je veux être en toi pour me protéger du monde qui s'éloigne. Puis donc, je fais tout pour que ça ne marche pas. Et oui, tu vois, je suis comme ça, je suis une horreur. Je ne suis plus là. Ça ne marche pas, j'essaye d'abord, je n'y arrive pas, je me déconnecte. Je fais tout pour que ça ne marche pas, et oui, tu vois, je suis comme ça. Je suis une horreur, je ne suis plus là. C'est vrai au fond que je fais peur, mais ça me gêne, c'est une horreur. C'est ma timidité qui va me faire mal. Je fais tout pour que ça ne marche pas, j'essaye d'abord, je n'y arrive pas. Plus facile comme ça, c'est une horreur. Je fais tout pour que ça ne marche pas. Et oui, tu vois, je suis comme ça, je ne suis plus là. Ça fait mal d'être bien, il peut penser à moi. Je suis inquiet, je fais tout pour que ça ne marche pas. Ah oui, tu vois, je suis comme ça, je ne suis plus là. Il y aura moi. fais tout pour que ça ne marche pas. Et ouais, tu vois, je suis comme ça, je suis humain.